Au milieu de la défection générale, l'armée seule tenait bon pour Tartarin. Le brave commandant, Bravida, ancien capitaine d'habillement, continuait à lui marquer la même estime. Un soir, le malheureux Tartarin était seul dans son cabinet, pensant à des choses tristes, quand il vit entrer le commandant, grave, ganté de noir, boutonné jusqu'aux oreilles. « Tartarin !» fit l'ancien capitaine avec autorité. « Tartarin, il faut partir !» Il restait debout dans l'encadrement de la porte, rigide et grand comme le devoir. Tout ce qu'il avait dans ce « Tartarin, il faut partir », Tartarin de Tarascon le comprit. Très pâle, il se leva, regarda autour de lui d'un œil attendri ce joli cabinet, bien clos, plein de chaleur et de lumière douce, puis, s'avançant vers le brave commandant, il lui prit la main, la serra avec énergie, et, d'une voix où roulaient des larmes, stoïque cependant, il lui dit « Je partirai, Bravida !» Et il partit comme il l'avait dit. Seulement, pas encore tout de suite. Il lui fallut le temps de s'outiller. D'abord, il commanda deux grandes malles doublées de cuivre, avec une longue plaque portant cette inscription « Tartarin de Tarascon, caisse d'armes ». Puis, il fit venir de Marseille toute une cargaison de conserves alimentaires, du pemmican en tablette pour faire du bouillon, une tente abri d'un nouveau modèle, se montant et se démontant à la minute, des bottes de marin, deux parapluies, un waterproof, des lunettes bleues pour prévenir les ophtalmies. Enfin, le pharmacien Bézuquet lui confectionna une petite pharmacie portative bourrée de sparadrap, d'arnica, de camphre, de vinaigre et des quatre voleurs. Pauvre Tartarin, ce qu'il en faisait, ce n'était pas pour lui. Mais il espérait, à force de précautions et d'attentions délicates, apaiser la fureur de Tartarin Sancho qui, depuis que le départ était décidé, ne décollerait ni de jour ni de nuit.